Cette semaine, et ce jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons. Qu'est-ce qu'il dit là? Ben oui, mais vous êtes pas habitués de ces querelles des races canadiennes? On est habitués de rien, nous. Ben voyons! Je dis souvent, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons et lèverons à bras de mot celui-ci. Qui ça? Ben le mot! Pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure, et clé, le clé, clé, clé. Ouvre la clé et tu trouveras le génie. Le génie ne sera pas là avant 2h15, 2h30 du matin. Comment ça? Le génie n'est pas de cette émission. Oh! Arrête de dire oh! Oh! Le G, hey! Oh! Oh! Il fait beau! Oh! Oh! Oh! Oh! Il fait beau! Oh! Oh! Oh! Il fait bon de chanter! Il fait bon de chanter! Il fait bon de se dire oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ce soir, il fait beau! Oh! Tout c'est doux. Quand tu pars en voyage, il ne faut pas oublier le retour vers le passé, car le présent est souffrant. Si vous passez par cette ville la nuit, vous verrez un chat. Cette semaine, et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci. Quel mot? Ben, on va vous le dire pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure. C'est ici que ça s'accroche. Ça s'est pas accroché. C'est vrai, bravo! Bravo! Dans le château symbolique de la francophonie, aujourd'hui, plaçons en garde à vue... On sent l'émotion à chaque virgule, à chaque mot que vous nous dites, merci. Mon frère, M. Gagné, merci. Bravo! Merci, monsieur, vous êtes totalement déchirant de vérité et de volonté. Et comme le disait JC, allez-y, mettez de... Oh! Pardonnez-moi! Car je ne sais pas ce que je fais. Ben, c'est pas ça, là. Lui, il disait, ah, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Fan, les petites marionnettes, ainsi fan, les Québécois, et puis s'en vont. S'en vont où? En Floride, au soleil, et tant mieux, le cancer de la peau est charitable dans ces troupeaux de chanteurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs qui s'en vont là-bas. Il y a beaucoup de chanteurs qui restent ici. Et ceux-là sont rajeunis parce que le mot hein, que nous allons prendre en garde à vue, c'est jeunesse. Jeunesse, la jeunesse. C'est beau, la jeunesse. Hein? Ben là, oui. C'est jeune, la jeunesse. Ouais, c'est très jeune. Ça connaît tout, la jeunesse. Ben, pas grand-chose, moi, là. J'ai dit à mon petit enfant, là, « Petit enfant... » Ah non, il va la rechanter. Fais-le pas. « Petit enfant... » Ça, c'est le moment où il se sent triste. Là. Lâche-moi cette jeunesse-là. Puis là, il faut se rattacher à l'autre jeunesse. Laquelle? Ben là, celle qui sait tout savoir, qui sait tout connaître et qui franchit... Hein oui? Qui franchit les avatars de la vie en se disant « Ah oui, il n'y a pas de problème avec ça. » Mais il n'y a pas de problème avec ça. Oui, il y a tout un problème. T'es jeune. Oui. Tu connais pas grand-chose encore de la vie. Mais là, on nous met dans un catalogue. Oh, ça, c'est vrai. Un catalogue un peu trop fourni. Ouais. Comment... À quel moment commence la... À quel... Ça va? Ça va bien? Oui, mon doux. Il est en constriction, monsieur. Est-ce qu'on peut appeler l'ambulance? Non. Quand commence la jeunesse? Oh, grande question fondamentale. Où finit la jeunesse? Oh, grande question fondamentale. Alors, selon les sociologues... Oh, pas les sociologues. Les sociologues. Ah, sociologues. Qu'est-ce qu'ils disent, les sociologues? Ils disent que la jeunesse, oui, c'est pendant le début... C'est après... Après. Hey, t'as-tu lu ton livre de sociologie? Oui, je me suis pas rendu loin. Moi, je me suis rendu à la préface. La préface de qui? La préface de Genet. Genet. Oh, quel Genet, ce Genet! Effectivement. Il disait Genet. Est-ce que je peux citer Genet? Ben là, on n'a pas de, on n'a pas de feuilles. Ben, de mémoire. Et monsieur, la mémoire de Genet selon Rénal de Grenier. Non, Jean-Machine Moillard. Alors, vas-y, mon Jean-Machine Moillard. Tu te mouilles pas, toi. Non, comment ça? Ben, pourquoi t'es pas Rénal Gagné? Ben, Rénal Gagné est pas là. Où est-il, ce Rénal? Il est parti, c'est vrai. Au water closet. Avec qui? Oh. Avec Charlotte. Oh, pas Charlotte. Charlotte. OK, alors, jeunesse, vas-y. Alors, selon Jean Genet, on va laisser Rénal avec Charlotte. Qu'est-ce qu'ils font dans les toilettes? Ils discutent de la... continuité de l'émission. Comment? La continuité. Oui. Comment ça? Ben, parce qu'elle doit continuer dans la jeunesse, oui. Alors donc, Jean Genet disait de la jeunesse. Est-ce qu'on peut mettre de l'écho de Jean Genet? Ben, on peut en mettre. À l'enfance, à l'oracle de la nouveauté, se cachent des petits diablotins qui, à l'aurore, se trouvent bien honorés de passer à travers ce circuit que l'on appelle la vie. Mais délicatement, le temps passe. Sans trépasser, ils zigzaguent, ils fuient. Comme la vie. Soudain. Soudain, lors d'une épreuve des plus difficiles, la jeunesse s'arrête, se redresse, descend dans la rue. Oh, mais 68! Comment? Mais 68! Non, c'est 69. 61! 69! An érotique! 69! Oh. An érotique! Pam-pam! Et la jeunesse, lorsqu'elle fesse, lorsqu'elle veut nous montrer sa gracieuse intelligence, oh, elle nous la dévoile sur de beaux jours. Jamais défini, toujours ravi par l'insatiabilité. Comment? Je ne répète pas. Okay. D'en connaître davantage sur toutes les structures de l'existence. Hey, les gens vont s'endormir. Avant quoi? Que les gens s'endorment. Oh, c'est très gentil de penser à eux, hein, parce qu'ils nous écoutent. L'enfance ne trébuche jamais. Oh. Elle se faufile à travers la vie et toute l'existence, l'être suprême, l'être aimé, l'être devenu homme avec un H. H. Elle cherche plus, hein? Elle l'a pas trouvé. Non. Elle cherche à vous dire que la jeunesse est un renouveau. Il ne faut pas se le cacher. Et surtout, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Ouais, c'est bien dit, ça, c'est très bien dit. Il y a de l'émotion, oui. Et là, on veut passer à un autre numéro, mais on n'a pas le début. Ah, c'est triste. Mais on peut quand même avoir de la musique. Ah, ça, c'est une maudite bonne idée, là. Alors, on y va. 1, 2. Toute la ville dort. Seule, une voiture circule. C'est la voiture 27, la patrouille de nuit. Soudain, un appel très important.

barbelés aux frontières. Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras. Capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris, ma beauté fatale, symbole de la France. Je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, en finir. Naufragé, solitaire, exilé, volontaire. De novembre encore, pose ses mains sur moi. Goût de fer et de cendre, la mort, je n'aime pas ce mois-là. La liste des droits de l'homme, la mélancolie, juste un homme parmi les hommes, tout seul dans Paris. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé. Solitaire, exilé, volontaire. CKRL. Cultive tes goûts. C'est ce qu'on vient d'entendre, là. Oui, monsieur. C'est le nouvel album de monsieur Bernard Lavillier. Mon ami Bernard, à chaque fois qu'il fait un nouveau truc, c'est toujours un phénomène, c'est toujours une pierre importante de la francophonie qu'il faut ériger et montrer à tout le monde, parce que c'est un bonhomme qui fait son bout de chemin et qui surtout à travers ses mots et sa musique nous témoigne l'humanisme et toute l'ouverture que l'on doit réserver à nos semblables. Mais c'est pas facile, Bernard! Hein? Excusez-moi. Jean-Claude, le monsieur est fâché. Ben, il est pas fâché, ils vont l'amener. Non, ils l'amènent où? Dans un jardin zoologique. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe là? Ben, ils vont le montrer à tout le monde. C'est un être préhistorique. Comment ça? On appelle ça un misanthrope. Voyons donc, un misanthrope. Qu'est-ce que c'est qu'un misanthrope? Selon le dictionnaire... Oh, là, c'est ça. C'est sérieux, là. Il prend sa voix de... Selon le dictionnaire... Oui, le dictionnaire. Le dictionnaire me sert les mots et me sert de liberté pour vous dire que misogyne signifie méprise le genre humain. C'est fort, hein? Méprise. Mais selon moi, j'irais peut-être plus doucement. OK. C'est pas vraiment de la misogynie. Non, mais c'est pas de la misogynie, c'est de la misanthropie. Hey, t'es tout mêlé, toi, là. Misogynie, c'est autre chose. Misanthropie, c'est une autre affaire. Hey, c'est des grandes familles, ça, hein? Oh, mais les enfants braillent, les femmes rigolent, les poupées amènent les moments danser. Puis là, c'est dans ces grands moments-là, là, on aimerait voir un petit Félix qui chante. Sors-moi donc, Albert, emmène-moi voir des choses. Amène-moi loin des enfants, ah ouais, comme ça, tout seul. Jusqu'un soir... Hein, comment? Juste... Excusez-moi, Jean-Claude. Juste un soir, Albert, au restaurant du centre, où tu verras ma Jacqueline pour une fois. Oh, c'est sérieux. Pour une fois. Oh, ma Jacqueline, tu vois y passer. Comment ça? Ben, regarde-le. Pour une fois. Je l'entends, je le vois pas. Tu ne vois pas. Je ne vois pas ce que tu vois. Sors-moi donc, Albert, amène-moi voir les choses, amène-moi loin des enfants, comme ça, tout seul, tranquille. Juste un soir, Albert, au restaurant du centre, ou peut-être, laisse-moi écouter dans ta voiture cette émission du vendredi. L'errance. Oh non, faut pas l'écouter. Comment ça? L'errance. Ça donne des mauvaises idées. Mais comment ça? Quelle mauvaise idée? Le diable est rentré dans la vache. Eh, monsieur, puis la vache veut pas le faire sortir. Laisse-le! Attends un peu, on va l'appeler. Cow! Elle s'appelle Cow, la vache Cow. La vache Cow. Cowille pas la vache Cow! Son lait caille. Ah, caille pas la vache! Ainsi, le lait de la vache caille, qu'arriveront-ils? Comment? Qui nous arriveront pile? Eh, monsieur, tu perds ton français. Je perds pas juste mon français, je perds ma vache. Ma vache. Que j'ai rencontrée un soir. Dans cette ferme lointaine. T'as pas d'écho, non? Je n'ai plus rien, je n'ai même pas l'écho. Et tu me vois, Coco. Ah, oh, pas le dis pas encore, Coco, là. Il faut appeler Sylvain Derry. On a-tu le moment d'appeler? On n'a plus le moment. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Comment cela se fait-il? Comment? Comment cela se fait-il? Qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Plein de temps même. En chantant. Hey! Moi, je me dis qu'en chantant, on amènerait peut-être... Arrête de crier, toi! Mon nez vergondé! On amènerait plus de minerais d'amour! Oh, j'en veux du minerais d'amour, ma chérie! Oh, ma chérie, pour toi, je souris! Arrête de chanter! L'errance rénadienne complice de vos délires. Délire! Délire, ah, il faut lire délire, hein? Parce que dans le livre délire, on délivre plein de souvenirs. Par exemple, Michel Jean-Claude se dit « Je suis heureux depuis que j'ai rencontré l'autre. L'être qui ne se cache plus derrière ses masques, celle qui se dévoile et qui se revoile le soir. » Ah! Oh! Non, tu t'es coincé, non, non, c'est « Ah! Oh! » C'est écrit « Ah! Oh! » J'aimerais la redécouvrir à nouveau, mais elle est partie dans mon imaginaire. Hey, c'est de la masturbation poétique. Qui aime la masturbation poétique? Moi! Lâchez la masturbation poétique. Allons dans le moment, parce que le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera il nous divulguera. Hein, comment ça? C'est pas écrit divulguer? Je divulguerai au gué, une phrase à volonté, ok. Hey, j'aimerais vous dire que dans quelques minutes, nous entendrons un opus. Une chanson du dernier opus. Ah, oh, c'est mieux. De Pierre Perret. Le dernier bloc musical. Restez des nôtres, ça vaut la peine. Tout l'album est sublime de Pierre Perret. Parce que je veux vous dire présentement, évidemment, c'est un pléonache, puis on aime ça. C'est bien gaspillé, hein? Comment? Hey, c'est bien gaspillé, hein? On n'a rien compris, monsieur. Hey, c'est bien. Oui, OK, c'est... Oui, c'est... C'est... Mi-mi-mi. Mi-adore, tu dors encore, mi-adore, c'est pour ça que je t'adore. Lorsque tu te réveilles, je te rendors, mon mi-adore, t'es un trésor. Plus tu dors, plus tu te fais avoir, mon petit adore, dors encore. Le Québec te ressemble, mon mi-adore. Continue et dors, mon mi-adore. Si tu dors, je te livrerai un autre trésor. un autre tort, un autre Québec, un beau Québec francophone. Et c'était, ça, c'est de la science-fiction. Mais qu'est-ce qu'il disait, lui, là? Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers des couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane. Ce fil Ariane. Il y a une cliente qui s'appelle Ariane et pour que je m'en souvienne, lorsque je la vois rentrer, je me dis fil. Puis là, je dis « Salut Ariane! Fil Ariane! Fil Ariane! Ariane! Ariane! » Ariane s'est cassée une jambe. Non, c'est les foulées. Enfin, elle est tombée sur un corps de vidange. C'est pas son chum, là, c'est un corps de vidange. Et puis, donc, Ariane Narratif. Qui, Ariane Narratif? Ah oui, avec ce fil Ariane Narratif. OK. La nuit, les gens ont rien compris. Hein, on va le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane Narratif. Ce fil Ariane, c'est celui-ci. La nuit sombre dans le... La nuit sombre dans le nombre des anonymes désanimés. Et soudain, dans la pénombre, sombre encore, quelques concombres qui se dit « Hey, je suis francophone! » « Comment? » « Je suis francophone. »« Tu es un mariné, mon concombre. »« Je suis un la loi 101. »« 101. »« Sans une raison de dire que je suis un concombre francophone mariné. » »« Au Québec, sommes-nous marinés? »« Nous sommes marinés à quoi? » À rester vivant dans le monde des Français. Des Français, francophones, pas des Français de France. Nous sommes un pays englouti, enseveli, endormi par... Non, là, on est loin d'être endormi. On se fait réveiller par l'anglophone qui nous dit « Gaston, il y a le gars, l'anglon qui fond... » Comment? « Gaston, il y a l'anglophone qui sonne et il n'y a jamais personne qui y réponde. » Tant mieux. Gaston, y a l'anglophone qui sonne et y a jamais personne qui y répond. Tant mieux. Attention, Gaston, tout le monde ensemble. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a pas d'anglophone qui y répond. C'est tant mieux. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jappé toutou qui dit que le francophone. Mais c'est peut-être nous au Québec. Oui, c'est nous, pas peut-être, c'est nous, Charlie Lee. Tête d'un papillon dans le filet des conventions. Il fait toujours attention, il veut maîtriser ses pulsions. Il a peur de la vitesse, il est debout sur le frein. Il n'aime pas la jeunesse, il a peur des martiens. Il ne fait plus de projets, il prend trop de précautions. Il vante le passé hors saison, il dit que l'histoire a toujours raison. Il asphyxie la passion à force de sermons. Réactionnaire, systématique en réaction. Aussi motivant qu'un somnifère, antithèse et contradiction. Il en fait un contentieux. Broyeur de l'imaginaire et classiciste pompeux. Bémol, boogie, man. Il baisse la vie d'un mi-temps. La vie, la baisse, c'est bémol,

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la allez allez allez allez allez allez les amis allez allez la la la la la la la la la la la la la la la la la la encore et encore replaçons les pendules à l'heure et repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. T'as plus de voix, je n'ai plus de voix, je n'ai plus de voix. Imaginez-vous, je fais la transition avec vous à CKRL du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011. Je vais faire, je sais pas, 14, 15, 16, 18, 150 heures. Mais regarde, c'est impossible, 150 heures, c'est vrai. Écoutez, si tu peux compter, là, 31 décembre 2010, ouais, à 16 heures, OK, jusqu'au 1er janvier 2010, oui, jusqu'à 6 heures. Ça fait combien d'heures? Ça fait que ça va dire que ça va s'aimer. Ça va s'aimer toute une nuit, toute une transition, hein, 2010-2011. On va s'aimer à CKRL avec vous toute une nuit. Merci, merci surtout. Non, mais écoutez, là, arrêtez l'écho. L'écho, Gilbert, l'écho. Oui, l'important, c'est l'écho, crois-moi. Non, mais arrêtez l'écho. Merci à CKRL de me laisser passer la transition de 2010 à 2011 avec un public qui sera sans doute absent. Comment ça? Ça, ben voyons donc, ils n'écoutent pas la radio, ils vont voir la TV. La TV? Ben non, ouais donc, la radio. Mais voyons, c'est des gens de radio, c'est des gens qui ne veulent pas rien savoir de l'image. Oh, ils ne veulent que du son. Mais ils vont avoir aussi l'image parce que nous serons sur une webcam en direct. Ils pourront nous voir, nous entendre. Ils pourront voir les vidéos. Toutes ces extravagances seront là pendant 16 heures, 17 heures, 18 heures, 16 heures, je sais pas, 18 heures, 20 heures, 30 heures. Quand... Ah, jugez, 33 heures! 33, pourquoi 33? C'est l'âge du Christ! Et puis c'est tout, et c'est tout. Mais non, pas 33, là. De 16h du 31 jusqu'à 6h, le premier. Faites le calcul, faites passer le mot, hein. Passez le mot à Madame Tremblay. Madame Tremblay, quoi? Madame Tremblay, quoi? Non, il faut dire oui, Madame Tremblay. Oui. OK. Savez-vous qu'il y a une spéciale du temps des fêtes à CKRL? C'est pas vrai. Ben oui, le 24, là, Errance Renaldienne dure 3 heures. Il nous l'a pas dit. Il nous dira jamais. Puis là, la fête du Nouvel An. Oh, j'ai ça, le Nouvel Année, passé la transition. Je pense que les mayonnaises nous ont dit qu'on allait mourir. Non, les mayonnaises, nous, non, oui, on meurt sans doute, les mayonnaises nous ont dit. Mais les maillets, c'est 2012. Oh, Errance Renaldienne sera-t-il là en 2012 avec les maillets? Antonine, es-tu là? Je suis là. Antonine. Maillet, Antonine Maillet, je suis là. Alors, vivrons-nous une fin du monde? Il faudrait déjà un début. Elle a raison. Replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Puis-je prendre la salive et la mettre dans ma gorge? Fais comme tu veux, mon champion. Ouais, c'est pas un bon cru, ça, là. C'est 2010. C'est décembre 2010. C'est vraiment de la décharge municipale. Ben, c'est la tienne. Ben, c'est ma décharge municipale. C'est pas très bon, hein? Non, l'émission est très bonne, mais la gorgée n'est pas... Voyons donc! Je pense que je peux... Est-ce que je peux... tu peux m'évanouir? Non. OK. Alors, relatons la biographie d'une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant. Alors, voici Judith Raff. Oh, la grande Judith Raff, qu'on a connue Judith Raff. Comment tu dis, Doudou? Judith Raff. Comment tu l'as vue? Ben, je l'ai pas vue, là. Je l'ai rencontrée. Quand? En 1963. Où elle était? Ben, elle était à Paris, mais elle m'a dit que nous sommes rendus... Commandant! Les verbes, oh mon Dieu, composés, décomposés. OK, à l'origine, oh, c'est mieux de dire ça, là. Ça rassure les gens parce qu'ils se disent, dans quelle stratosphère se trouve-t-il? La conjugaison. Oh, monsieur. Alors donc, comment s'est passée cette rencontre avec Judith Raff? En 1933. En 1933, j'étais à Paris. Oh! Avec Jean-Luc. Oui. Simone. Oh! Et Jean-Claude. Oh, pas Dreyfus! Jean-Claude Dreyfus n'était pas né. Hey, monsieur, remercie-le. Parce qu'il va te stationner des messages sublirénales. Mais là, ils m'ont dit à un moment donné, « Hey, Judith Raff, restera pas Raff. » Comment? Elle ne restera pas Raff. Elle restera quoi? Elle restera dans l'univers de la chanson francophone comme une Judith Piaf. Mais il est venu au Québec pour se faire abandonner par son nom qui la trahissait sans cesse. Et qu'un jour, elle savait qu'elle pourrait s'exclamer et se dire « Bonjour, je m'appelle Edith Piaf. » Non, rien, je ne regrette rien, ni le mal qu'on m'a fait, ni le pire. Et puis quoi? Et puis on passe à de la nouveauté. Hébergeons à partir de maintenant un nouvel atelier d'improvisation. Offrons-nous un peu de 7e art dans les oreilles. Amorçons le numéro avec un court extrait cinématographique et enchaînons sous l'inspiration et la transpiration du moment. Aujourd'hui, incrustons sur la surface sonore le film La Discrète. La Discrète est un film français réalisé en 1990, par mon ami Christian Vincent avec Fabrice Lucchini, Judith Henry et Maurice Garrel. Voici l'extrait sonore. S'il veut partir, ce serait maintenant et on l'aimerait comme ça. Et il va partir, là. Fais-toi-en pas. Écoute. J'écoute quoi? Ben, écoute, ça va partir. Ben, j'entends. Tu connais les éditeurs, ils ne se décident pas comme ça sur un nom. Il leur faut une histoire solide, quelque chose de fort. Et j'ai pensé que ton histoire avec Solange pouvait les intéresser. Seulement, cette histoire n'en est pas une, c'est juste un point de départ. Il fallait donc imaginer une suite. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé la suite. Ça n'a pas été très difficile. Toi-même, tu m'as dit l'autre jour, j'aimerais assez me venger d'elle, mais je ne sais pas comment faire. Alors voilà ce que je te propose. Parce qu'une femme t'a quitté, tu décides de te venger. Pas de cette femme en particulier. Non, des femmes en général. Tu choisis l'une d'elles au hasard. En fait, tu ne la choisis pas, tu t'arranges pour que d'une certaine façon, ce soit elle qui te choisisse. Et là, personne ne peut savoir ce qui va arriver. Mais toi, tu vas essayer de rentrer dans sa vie, de la séduire, de t'en faire aimer. Et quand tu l'auras aimée, tu la quitteras aussitôt après. Et en même temps que, appelons ça, cette vengeance se réalise... Tu décides d'en noter les faits, tous les faits, très consciencieusement, au jour le jour, à la manière d'un journal intime. Et j'ai même été plus loin, j'aurais dit que j'avais lu tes premières pages et que je trouvais ça formidable. En fait, tu peux me faire confiance, je vais pas raconter cette histoire comme je viens de le faire là maintenant. J'ai parlé de nouveau libertinage, d'érotisation de la pensée, de goût pervers, de la vengeance. Enfin, je pense avoir mis le paquet. Comme dit le proverbe, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors... Ben alors, il me semble que ton propos m'est apparu comme une étrangeté, mais j'accepte. J'accepte parce que je peux pas dire non à cette vision de l'amour parfait. Et puis surtout, machiavélique. étrange, diabolique. On sent les démons, on sent la recherche, on sent la faim, on s'en fout! On s'en fout de l'histoire. Ce qu'on veut, c'est la vivre. On veut se dire, ah, je t'aime, mon amour, je te veux, je nous veux. Pourquoi pas se rencontrer ce soir dans cette enveloppée numérique, chimérique, avec cherche, avec qui? Avec la recherche au mot et le refrain à la main. Oh, le recherche au mot et le refrain à la main. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie, je te vois depuis 2 ans. Oh non, il va pas chanter. Avec la rémorée, avec Oréa, mon love, c'est mes dos. Oh, mon retourner. Eh, monsieur, c'est quoi ça, là? C'est la ritournelle pour apprivoiser la belle. Plus tu l'apprivoises, plus tu l'amènes vers toi, plus tu lui dis « Je suis... » ton personnage de ton existence pour le reste de ta vie, ma belle amoureuse. Mais c'est pas tout le temps comme ça, là. Des fois, ben, dans le noir, elle se dit, il me semble que physiquement, là, c'est pas mon genre. Il me semble que c'est pas sa bouche. Il me semble que c'est pas son nez. Il me semble que c'est pas sa recherche vers moi qui m'attire. Là. C'est les mots. C'est un grand imitateur de sentiments. Là. C'est un véritable chercheur d'amour. C'est un vrai ressenti intellectuel. Là. Il me semble que ce serait intéressant d'aller plus loin avec lui. Oh! Alors, hey, ça se termine comme ça, là. Mais avant quoi? Ben avant de laisser la première musique nous envelopper vers la fin, je tiens à vous dire que vous pouvez m'écrire à Rénal Québec à commercial@hotmail.com. Il va épeler Rénal. Il va l'épeler. Il va nous le dire. Il va le dire. Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC à commercial@hotmail.com. Ou vous pouvez aller à ckrl.qc.ca, vous le connaissez, vous voyez l'adresse, vous la savez, vous aimez vous diriger vers elle, vous retrouverez vers l'errance rénaldienne à un moment donné, et puis cliquez, c'est mon lien, c'est mes vidéos, c'est mes émissions. Merci de m'avoir écouté, vous êtes incroyablement fidèle. Ou infidèle, peu importe. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, puis le 31 premier. Hein? Bye-bye. Merci. Agnès Bull, je t'aime. Les hommes naissent libres et égaux en droit, mais ça dépend du lieu. Soit t'es OK, soit t'es KO, soit tu meurs bien, soit tu le vis mieux. C'est bien. C'est bien la raison du plus fort, encore et toujours la meilleure. C'est rien la raison du plus mort, ça donne raison au dictateur. C'est rien, c'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Des millions de gosses mangent de la viande juste quand ils se mordent la langue. C'est bien, c'est rien. C'est bien l'enfance de la détresse dans les pays de la guerre civile. C'est rien qu'une affaire de business si c'est des armes qu'on leur refile. C'est bien. Et on génocide au soleil, la faute à qui on savait pas. Vu que si les murs n'ont pas d'oreilles, l'Occident n'a qu'une caméra. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Et c'est en direct qu'on peut voir la suite de Nuit et Brouillard. C'est bien. C'est rien. Du tiers-monde, et si le progrès se fait la course, c'est bien, mais c'est pas pour tout le monde. Quand la mort est cotée en bourse, c'est bien. La médecine fait des pas de géant et le sida recule en bloc. Seulement les poules auront des dents avant que l'Afrique ait des médocs. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Ça régule les natalités. C'est plus de faim qu'ils vont crever. C'est bien. C'est rien. C'est bien les gamins de la guerre. Un pendu 10 de réprouvé. C'est rien que des gamins militaires. Tirera bien qui tirera le dernier. C'est bien.

Je me suis pas servi une fois d'une seule de mes capotes. Car pour le pape, y'a pas de soupape, jamais de cajot dans mon pajot. Même la vilaine Marie-Madeleine, on dit que Jésus crachait pas dessus. Pas de joli môme pour me faire les chromes, même Mardi Gras, je me la mets sous le bras. Pour une pétasse, je peux perdre ma place, personne n'est là quand je grimpe au mât. Il m'amène dans des pays, y a des pauvres partout. Je ne supporte plus le riz ni les pousses de bambou. Je fais de la claustrophobie dans ma charrette blindée. Mais je vous raconte pas de fourmis quand j'ai envie de pisser. J'apparais sous les vivas quand je descends de l'avion. Puis à genoux, je lève les bras et j'embrasse le boudron. Le président me félicite après mon petit sermon. Et les marchands d'eau bénite m'invitent à un gueuleton. Mais pour le pape, y'a point d'agape. Je suis seul devant mon fromage blanc. Régime des primes, quant à leur film, tout leur cinoche est vraiment moche. Pendant que je mange, marquise des anges, il faut que j'écoute leur chant de scout. La vie sexuelle d'Emmanuel chez les bonnes sœurs, ça manque de beurre. Alors je zappe ma vie de pape, je deviens Brandon DiCaprio. Soudain je plane chez les sultanes et je me promène dans mon harem. Là on se mélange, je change d'ange et de bénitier. J'oublie le métier. La la la la la. Papa bala. CKRL. Cultive tes goûts. Loin de mon œil par la fenêtre, je vois l'hôpital. Je suis pas capable de croire qu'il faut que je m'arrête ici. Mais je suis tout seul. De toute façon, ça me fait trop mal. Mon corps, c'est un pays en guerre, sur le point de finir. Le général de l'armée de terre s'attend au pire. J'ai faim, j'ai frette, je suis trop faible pour me lever de bout. On va hisser le drapeau blanc, un point c'est tout. J'entends le téléphone qui hurle, j'ai des amis. Je voudrais tellement pouvoir me lever pour leur parler, leur dire allô, c'est moi, je suis correct, j'suis toujours en vie. La planète tourne, n'est pas supposée tourner sans moi. Mon ennemi est arrogant et silencieux. Il se calisse bien de savoir si je suis jeune ou si je suis vieux. Il est sûr de lui, il est méthodique. Il prend son temps, il est au service de la mort. Il connaît pas les sentiments. Ces derniers jours, j'ai dû vieillir de 4000 ans en visitant des vieux souvenirs dont je suis pas fier. Pour faire la paix avec ses regrets, ça prend du temps. Je me retrouve 100 fois plus fatigué, trop fatigué, mais moins amer. L'histoire du monde puis mon histoire sont mélangées. Je viens juste de revivre 100 000 autres vies en une seconde. Toutes mes conneries puis l'ambition de l'humanité, ça revient aux mains. Y'a pas de coupable, y'a pas d'ordre. Mais je suis heureux parce qu'au moins je meurs l'esprit tranquille. Je vais commencer mon autre vie la même façon. Je vais avoir de l'instinct, je vais rester fidèle à mon style. L'entente parfaite entre mon cœur et ma raison. L'harmonica, c'est pas un violon, c'est pas éternel. Et puis ça pleure comme si c'était conscient de son sort. D'ailleurs, à soir, je me permets de pleurer avec elle. J'attends un peu, je suis pas pressé, j'attends la mort.